les millions honteux. C'est un lieu commun de tous les temps que l'argent tient, dans l'époque où l'on vit, une place qu'il n'avait pas avant, et que, vraisemblablement, il n'aura pas après. Le veau d'or ne date pas d'hier, cependant, et il ne semble pas probable que sa fascination doive s'éteindre demain. Il est donc naturel que chacun veuille dire son mot sur le tyran, de là ce roman. Il n'y a pas que dans la façon dont on le gagne, ou dont on le perd, que l'argent est plein de drames. Il l'est encore dans la situation imposée par lui à ceux qui, à un moment donné, se trouvent fatalement placés sous son influence. En est-il de plus saisissante que celle d'enfants honnêtes, mis par la loi d'héritage, en possession d'une fortune que leur père a volée, pour eux plus encore que pour lui, afin qu'ils occupent dans le monde la place que donne l'argent? Que vont-ils en faire de cette fortune? Y renoncer, c'est accuser leur père. En jouir tranquillement, c'est devenir ses complices. Sans doute, dans la vie courante, on rencontre nombre de gens qui sortent très tranquillement de cette situation et ne s'embarrassent pas de ces scrupules dont ils n'ont pas même idée, trouvant que les millions, du moment qu'ils sont à eux, non aux voisins, ne peuvent jamais être honteux. Il est vrai que tous les caractères ne s'accommodent point de cette philosophie facile, et il n'y a qu'à regarder autour de soi pour trouver des cœurs plus hauts qui ont mis en œuvre l'ingéniosité de leur esprit afin d'employer noblement l'argent volé tombé entre leurs mains propres. De même, on en peut trouver aussi qui, plus intransigeants dans leur droiture, ont refusé entièrement une fortune que leur concierge ne permettait pas d'accepter. Il serait facile de citer des noms, si les rappelés ne devaient pas projeter sur eux une lumière blessante, car telle est leur situation qu'il faut à leur vertu l'ombre et le silence. « Ces héros sont rares, me dira-t-on, je le reconnais. Cependant, il se rencontre des fils de gens tarés qui, pour ne point aller jusqu'à l'héroïsme, ne portent pas moins dans le monde une arrogante tristesse qui ne paraît pas conciliable avec les satisfactions de toutes sortes que leur donne leur fortune et qui s'explique tout naturellement par cela seul qu'ils valent mieux que leur père, dont le souvenir ne les redresse avec des exagérations de matamores que parce qu'ils les écrasent. C'est pourquoi les coquins, s'ils étaient complets, devraient élever leurs enfants en coquins et leur faire donner que des leçons de démoralisation. En a-t-il beaucoup qui aient ce courage? Au contraire, combien en rencontre-t-on qui, dédaigneux de l'estime du monde, dont ils ne prennent pas souci ou dont ils se moquent, ont peur d'être méprisés par leurs enfants et ne pensent à l'honneur que dans les sentiments de ceux-ci? Si personnellement ils ont été victimes de certains accidents qui gênent leur attitude, ils veulent que leur fils marche franchement dans la vie, avec l'argent qu'ils leur ont gagné, cela leur sera facile. Fiers, ces fils, glorieux de leur fortune, quelle qu'en soit l'origine, oui, cela se voit. Ils font belle figure, grande figure, le monde est à plat ventre sous leurs millions. Les cercles les plus fermés s'ouvrent pour eux. Les altesses royales ou impériales acceptent leurs invitations en se faisant simplement payer un cachet proportionné à l'infamie héréditaire de leur hôte. Ils prennent pour eux et pour leurs enfants des hommes ou des maris parmi les noms les plus célèbres de la plus haute aristocratie, comme leur père prenait parmi ces noms ceux qui devaient paraître plus décoratifs dans les conseils de leur société. Mais glorieux de celui qui leur a gagné cette fortune, jamais. Honteux, au contraire, et d'autant plus honteux qu'ils désespèrent d'arriver à le faire oublier. Et c'est là le châtiment, car par une anomalie, qui peut paraître étrange, mais qui s'explique quand on va au fond des choses, il y a des coquins qui exigent plus de leurs enfants que les honnêtes gens des leurs. Honnêtes gens, femmes honnêtes, ne pensent pas à chercher quels sentiments leurs enfants peuvent éprouver à leur égard. Pourquoi, de quoi s'inquiéteraient-ils? Ces sentiments sont certainement ce qu'ils doivent être, tendresse et affection mises de côté. La semence jetée dans leur cœur ayant germé donne naturellement sa moisson et non une autre. Puisque c'est de la graine de blé que ce cœur a reçue, ce n'est pas de l'ivraie qu'il va produire. Mais le coquin, mais la gueuse. C'est chez ceux-ci que se montrent d'une façon intéressante les conséquences de cette anomalie. N'ayant eu d'autre but dans la vie que de faire fortune n'importe comment, ils devraient, ayant réussi, ne rien chercher au-delà. Ils ont vaincu, c'est parfait. Le reste existe seulement pour les imbéciles. Mais justement, il arrive souvent que chez les forts, les très forts qu'on imagine au-dessus de toutes les faiblesses, subsiste un petit embryon d'imbécilité, que malgré tout un organe mystérieux appelé la conscience a conservé vivace. Et alors, le coquin très fort, aussi bien que la gueuse, veut pour lui certaines satisfactions qui lui paraissent puériles ou cocasses chez les autres. que le monde les méprise, ils s'en moquent. Que leurs enfants rougissent d'eux, ils en pleurent. C'est pour développer cette situation que j'écris Les Millions Honteux, mais en me préoccupant plus de ce qui se passe dans l'âme des héritiers d'une fortune volée que des souffrances de celui qui, par le vol, a acquis cette fortune. Pour en tirer ce qu'elle pouvait donner, il aura fallu deux romans, celui du père et celui des enfants. J'ai jugé qu'un seul suffisait, et j'ai pris celui qui m'attirait davantage.